Parfois, la nuit, le mille un long frémissement et l'averse d'Otiliers. Le vent souffla une bouffée incolore. Le grand nord tapissé d'aiguilles surgit. De la terre noire, les épineux